Oui, d'accord, oui, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Mais ceci dit, moi je devais avoir ma bagnole, je ne l'ai pas, donc j'ai pas le secteur, donc je ne peux pas faire de vidéo. Donc le titre complet de ce que je veux dire, Adèle, si tu m'écoutes, c'est La pensée complexe est à la pensée ce que la Ferrari est à la mobylette. Et Adèle, tu aurais dû me dire que tu avais oublié la moitié de la phrase parce que je l'aurais ajoutée. Donc, alors, il se trouve que Nuit Debout est une manifestation qui est analysée par beaucoup de monde, mais sauf par Nuit Debout. Et donc, quand il y a des discussions entre nous, ça se termine pas toujours au paradis. Et je pense que moi mon intention est d'essayer de faire avancer la discussion sur ce qu'est la complexité contemporaine. Alors, la complexité contemporaine provoque des situations nuit deboutesques. Et Nuit Debout est le seul événement de ce type depuis 45. On n'a pas, même en 68, on ne peut pas dire qu'on a eu un événement aussi important. Alors maintenant, des médias. Non, moi j'ai arrêté Adèle, parce que tout le monde fout le camp. Alors, si tu veux, j'ai pas les. Ou, sauf si vous. Combien vous êtes là? 5, ouais, d'accord. Alors, je continue. Les gens qui s'occupent de la pensée complexe. En voilà un là qui est pendu, là, Mélenchon. La deuxième, c'est une philosophe marxiste qui s'appelle Jeanine Gaspin, que je connais, et qui développe l'appareil théorique qui permet d'expliquer ce qu'est Nuit Debout. Donc, la théorie est la suivante. Toute structure est un système, et aujourd'hui, c'est un système complexe. Jusqu'à maintenant, on parlait de système. Jusqu'à Edgar Morin, on parlait de système. Depuis Edgar Morin, on peut parler de système complexe. Et la complexité qui est à l'origine, dans le domaine scientifique, a pénétré le champ social. Et donc, la première manifestation physique de la complexité est représentée par cette photo. Cette photo représente l'expérience de Bénard qui a eu lieu en 1900. C'est une vasque d'eau pure, chauffée uniformément. Et apparaissent dans cette vasque la structure en nid d'abeille qui est photographiée là. Pour obtenir cette structure, il faut des technologies avancées, des hautes technologies. Parce que pour chauffer uniformément, on ne peut pas chauffer uniformément une vasque avec un feu de bois. La chaleur est trop disparate. Donc, Monsieur Prigogine, prix Nobel, chimiste à l'origine, a inventé la théorie qui permet d'expliquer ce truc-là. On a mis 70 ans à expliquer ça. Alors maintenant, on l'explique plus facilement avec les ordinateurs, c'est-à-dire on simule, c'est pour ça que je voulais amener des vidéos, on simule cette situation par des équations différentielles, pour les mathématiciens qui savent ce que ça veut dire. Et donc, est arrivé dans le domaine social la théorie de la complexité par l'analyse de la météo. C'est un météorologue américain, Edward Lorenz, en 1984. Il a considéré un comportement étrange de ces programmes de prévision météo. Et on en a tiré que la météo pouvait se mettre en équation différentielle. Alors, quand je discute avec Henri, par exemple, pour ne pas le citer, je ne sais pas s'il est là, il me dit la météo, c'est ma grand-mère qui lit la mousse des arbres et qui prévoit s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Aujourd'hui, la météo est sûre à 85% sur une échelle de 8 jours. Donc, on peut dire que pour 8 jours, les équations différentielles donnent la vérité de la météo. Donc, le temps qu'il fait aujourd'hui, moi je l'ai su hier, en regardant mon ordinateur, j'ai su qu'il allait pleuvoir. Donc, je ne savais pas si on serait à l'abri ou pas. Donc, monsieur là qui est derrière, il ne se rend pas compte que parler dans un micro sec, place de la République, c'est du luxe, il devrait y être attentif. Or, alors, qu'est-ce qu'un système complexe? Tout système. Oui, on la voit en direct, mais l'ordinateur la prévoit. Toi, tu la vois, l'ordinateur la prévoit. Tu vois la différence? C'est le pré. Donc, tout système physique, par exemple une plante, est un système complexe. C'est de la cybernétique appliquée au physique. Qui s'est occupé de cybernétique? C'est Monsieur Vonnemann, un ingénieur. Et donc on applique ça à la construction des avions, des voitures, etc. Toute l'industrie fonctionne comme ça. Mais disons que Prigogine n'a pas exclu d'étendre la cybernétique au champ social. Or ça, c'est scandaleux. C'est-à-dire que si on se met à dire les greffes peuvent se mettre en équation, ça ressemble à une grosse plaisanterie. Sauf que la théorie complexe prévoit le nœud d'eboutisme. Et c'est aussi comme ça que j'ai découvert que le dénommé Didier, qui n'est pas là aujourd'hui, est autodidacte cybernéticien. Il n'a pas eu besoin d'Edgar Morin. Moi, j'ai commencé à me pencher sur la cybernétique en discutant avec le patron du Maquis Limousin, qui s'appelle Georges Guingouin, qui avait un maquis en 44 de 20 000 hommes. La direction de la résistance du Sud-Ouest a dit qu'il faut prendre Limoges par les armes. C'est ce qu'ils ont fait à Tulle. Ils n'avaient pas prévu. Pardon? Vous voulez parler? Je viens de dire qu'il était question en 44 de prendre Limoges à la Wehrmacht et au SS par les armes. Bon, ils ont. Vous êtes limousine? Non. Alors, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, alors donc, la résistance s'est emparée de Tulle, des casernes de la Wehrmacht. Ils n'avaient pas prévu que la division d'Astreich arrivait de Montauban. Les SS ont donné le choix au maire de Tulle en disant: vous choisissez 100 personnes, on va les pendre. Et donc, les élus de Tulle ont été obligés de choisir qui pendre. Ils ont pendu 99 personnes. Donc, moi, sur ce, bon, c'est vrai aussi que la déontologie de Nuit debout, c'est de ne pas faire de biographie individuelle. Alors, je vais en faire un tout petit morceau quand même. Donc, moi, non, je me marre parce que. Adèle, je vais te dire que tu as oublié la moitié de la phrase. J'étais en 44 dans mon bled, qui se trouve à l'intersection de la Nationale 704 et de la rivière Dordogne. On était occupé par la Wehrmacht, qui était plutôt gentille, c'est-à-dire ils tiraient pas sur tout ce qui bouge. Mais un jour, je vois un machin qui arrive au bout de la ligne droite en face de chez mes vieux, enfin de la maison familiale, et j'ai compris que ce n'était pas une voiture du maquis. Donc j'étais à la maison d'en face, je suis passé à 50 mètres devant l'automitrailleuse qui ouvrait la route de la Dasreich. 57 secondes plus tard, il y avait 10 morts. Donc moi, je dois la vie à 57 secondes du vide. Entre l'automitrailleuse et le camion du maquis qui est arrivé. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que mon père était prisonnier en Bavière. Quand il est rentré, il a pas du tout compris que les maquis pouvaient exister en France. Il m'a expliqué que la guerre, c'était pas ça. J'ai dit: papa, tu déconnes, ferme-la. Donc, ça m'a valu d'être boycotté par mon père. Alors, on dit que les vocations artistiques naissent par le conflit, par les conflits avec le père. Peut-être c'est mon cas, mais bon. Alors, si vous voulez, moi je pense que Nuit debout est un univers. sur lequel il y a des lois. Les lois de Nuit Debout ne sont pas les lois sociales dominantes. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à Nuit Debout qui fait qu'on est, qui, ça se passe pas comme ailleurs. Et donc, moi, je perçois dans les individus, j'essaye de percevoir, c'est pour ça que je pose la question biographique, je demande aux gens d'où vous sortez, quoi, quel est votre parcours. Et dans leur parcours, en général, il y a des bavures, quoi. Et donc, moi, je vous ai raconté l'histoire de la Das Reich. J'ai rencontré Guingouin, le patron du maquis Limousin. Et c'est lui qui m'a fait mettre le doigt sur Prigogine. Parce qu'il je lui dis, mais comment vous avez fait pour gagner la guerre? Parce que c'est le seul maquis victorieux pendant la guerre qui a gagné ses batailles rangées à 4000 hommes du maquis contre 4000 hommes de Vichy, la Wehrmacht et les SS. Le maquis a gagné. Donc Guingouin m'a expliqué. Donc moi, j'ai une interview exclusive que je vais projeter ça, je crois que c'est le mois de janvier, à la Maison du Limousin. D'ailleurs, que j'ai rencontré après la projection du film sur la Syrie, là, Ambiance Bois. Moi, j'ai discuté avec la Maison du Limousin, avec Sylvain d'ailleurs, qui m'écoute pas. Mais ça fait rien, moi je t'écoute quand tu parles. Donc je lui ai dit, j'ai demandé à la réalisatrice du film, je lui ai dit, pourquoi vous projetez-vous ce film à Saint-Cyr? Et on m'a répondu, c'est Mehdi, éminence de Nuit Debout, qui a vu le film et qui en a reparlé Nuit Debout. Et donc Guingouin m'a raconté comment le maquis fonctionnait, et grosso modo c'est un fonctionnement en réseau, avec comme communicant des vélos et des piétons. Et Guingouin doit la vie deux fois à des gamins qui ont couru dans les bois pour lui dire, il y a la gendarmerie vous recherche. Donc Guingouin a échappé à la mort dans des circonstances plus ou moins rocambolesques qui étaient liées à la nature du réseau. Donc pour ce que je constate, c'est que Nuit Debout est un système qui a ses lois, de même que la société dans laquelle on vit est un système qui a ses lois. Un système, c'est quoi? C'est un ensemble de lois qui définit des structures. Et il est stable dans certaines conditions et il est instable dans d'autres. Si le système est stable, il dure. S'il est instable, il crève. Donc la société française est quand même dans des passes où la question se pose de la stabilité. La question de la stabilité de Nuit Debout, on peut la poser aussi, parce qu'au vu de certaines discussions... il y a 2-3 jours, chez Samir, ça sentait le conflit, un conflit grave. Donc moi, si vous voulez, les lois du système qui domine, qui nous domine, on les connaît un peu mieux que les lois d'Ennui Debout, dont on peut se poser la question de savoir si elles existent. Donc je suis en train d'essayer de vous trouver la page, parce que c'est vrai aussi que si j'avais un ordinateur comme prévu, l'image serait plus visible. Voilà. Voilà ce qu'est un système. Ça c'est bon, c'est Edgar Morin. Le Edgar Morin, il ne respecte pas les schémas électroniques. C'est un schéma qui est cybernétique. Donc, vous avez ici, sur mon doigt, vous avez une envie ou un désir. Vous avez une fonction. Vous avez une fonction pour réaliser ce désir. Le résultat du désir, c'est ça. Le produit, c'est ça. Donc, ce schéma, ça peut être aussi bien, dans ma tête en tout cas, ou bien si bien une histoire d'amour que l'histoire de la fabrication d'une bagnole. Donc, quand le système a fabriqué un produit qui est là, il est examiné. Et dans la boucle de réaction qui est là, on modifie le désir initial. C'est-à-dire que quand vous voulez fabriquer une bagnole, vous fabriquez la bagnole, elle vous plaît pas, vous réfléchissez, vous la modifiez. C'est ce qui se passe tous les jours avec les voitures. C'est ce qui se passe avec un gouvernement. Il applique une politique. Cette politique a un effet avec des réactions et le gouvernement est censé modifier sa politique initiale. Donc la boucle de réaction, c'est une boucle qui est aussi l'expression de la démocratie quand on est dans le champ social. S'il n'y a pas de réflexion sur la production de la politique, il n'y a pas de démocratie parce qu'on ne peut pas changer la politique initiale. Donc ce système est auto-organisé. Ce système est auto-organisé. Donc, ça veut dire qu'il existe un système qui n'est pas un système qui pré le système qui est non les, la situation qui précède l'existence de ce schéma, c'est le chaos. Le chaos n'est pas organisé. Ce système permet de sortir du chaos. Le chaos s'évacue en adoptant cette formule. Donc, alors d'autre part, à l'intérieur du système, vous avez des liens structurels, c'est-à-dire d'un lieu à l'autre, vous avez des liens fonctionnels. Donc, moi, je représente le système par cette boîte. Je m'en suis déjà servi une fois, je recommence. Vous avez une boîte noire et avec des liens extérieurs. Vous avez des liens intérieurs. Quand vous tirez sur un lien extérieur, il y a tout qui suit. Parce que là, vous sortez tous les liens de la boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est interconnecté dans le système. Si vous tirez sur un lien, vous touchez à tous les liens. Ça signifie que tout problème envisagé est en liaison avec tous les autres. Ça signifie qu'à nuit debout, si on s'occupe de Seb, par exemple, et ben Seb, on va déboucher sur tous les problèmes. Et donc, on s'occupera de Seb par la bande si on s'occupe de la vie des moustiques, par exemple. Alors, c'est aussi simple et compliqué que ça. C'est-à-dire que Nuit Debout peut s'emparer de toutes les questions de la planète et du reste de l'univers parce que tout est lié. C'est-à-dire que chaque fois qu'on bouge un orteil ici, ça ébranle l'ensemble de Nuit Debout, mais comme on est interconnecté aussi avec le système dominant, ça ébranle aussi Monsieur le Président qui doit avoir des fourmis dans ses propres orteils. Et donc c'est pour ça que Nuit Debout est dangereux, parce que on ne s'attaque pas au système, mais par la production qu'on a, on l'ébranle par toutes les fibres qu'on développe. Donc, alors moi ce que alors d'autre part, il y a une littérature sur la complexité qui augmente, c'est-à-dire la réflexion et la publication des réflexions sur la notion de complexité augmente. Un des premiers politiques à avoir travaillé là-dessus, c'est Monsieur Mélenchon. J'ai trouvé ce bouquin, c'est un ouvrage collectif. Pendant la campagne électorale de présidentielle, je suis monté au staff, au comité de campagne de Mélenchon, et j'ai dit, voilà, qui c'est qui a écrit ce bouquin? Et donc, bienvenue militant, c'était un peu comme ici, là. On m'a dit, camarade, de quoi tu parles? Prigogine, c'est quoi? Nous, on est sérieux, on fait de la politique, on s'occupe de coller des affiches. Alors j'ai dit, écoutez, moi je colle pas d'affiche en ce moment. J'étais juste venu pour vous parler de Prigogine. Je vois que ça vous intéresse pas, je repars. Il y avait un type qui était couché, il avait un pullover rouge sur un divan rouge. Il faisait sa sieste. Quand j'ai prononcé le mot de Prigogine, il se réveille et il me dit, mais je le connais. J'ai dit, vous ne pouvez pas le connaître, il est mort. Oui, je l'ai connu. Et alors comment? J'étais dans une université américaine et j'étais un des rares Français qui a reçu une délégation française dont Prigogine faisait partie. Donc j'ai pu discuter avec Prigogine. Alors Prigogine est mort un peu après 98 ou 2000, mais son œuvre évidemment est de plus en plus analysée. Alors elle est analysée par les marxistes. Alors moi j'ai pas pu chez Mélenchon. Je leur ai dit est-ce que vous acceptez une discussion sur Prigogine? Le staff de Mélenchon m'a envoyé bouler en disant, écoute camarade, on s'occupe sérieusement des élections. Il y a une marxiste qui s'appelle Jeanine Guespin qui vient d'écrire un bouquin qui traite de la question. Mais disons que le marxisme, c'est une théorie qui a permis d'expliquer le déroulement des batailles sociales et d'en gagner beaucoup, puisque il a été question à un moment donné, si vous voulez, de Cuba à Pékin en passant par ailleurs, la planète devenait marxiste. Et tout le monde, y compris moi, vu que j'étais au PC, croyait au paradis marxiste, ça allait venir. Et puis ça s'est écroulé de l'intérieur. Pourquoi? Parce que le système étant complexe, il n'avait pas analysé ses points faibles et il s'est écroulé parce qu'il connaissait pas ses propres, il ignorait ses propres lois. Ses propres lois, dont certaines étaient nouvelles, par la nature nouvelle de la communication sociale qui passe aujourd'hui par les ordinateurs. Les ordinateurs provoquent des déstabilisations ou des stabilisations suivant que les boucles de réaction sont positives ou négatives. Les boucles de réaction, c'est ça. Et donc, je ne sais pas si vous voulez, si vous vous rendez compte. Alors, moi, le problème qui se pose à Nuit Debout, c'est que Nuit Debout est un truc neuf, à la fois dans le concept et dans la pratique. Ici, on ne pourrait pas faire ce topo si on n'avait pas une bâche sur la tête. Or, avoir une bâche sur la tête, ça veut dire une organisation. Et donc, on peut développer des concepts sous une bâche. Si on n'est pas sous la bâche, on est dans des lieux payants. Donc le territoire qu'on a gagné ici sur la place a des lois spéciales. Il y a des individus qui passent leur week-end à tendre des bâches sous la pluie, place de la République. Donc c'est considéré comme de la maladie mentale à la plupart des gens à qui j'en parle. Donc je leur dis, mais venez donc visiter, c'est gratuit. Donc moi j'arrête de parler pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour du match. Prends le micro, s'il vous plaît. Alors moi j'ai absolument rien compris, mais c'est pas grave. Je pense que le but c'était complexe, donc j'ai rien compris du tout. Mais c'est sympa que tu racontes ta vie un peu. C'est la pire modération que j'ai jamais fait de ma vie. Quelqu'un a des questions? Jérôme a levé la main en premier. Mais j'ai pas compris. Ouais, j'étais pas le premier à lever la main, mais c'est pas grave. Moi, je voulais juste savoir comme ça me fait penser au fractal. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? La fractale, c'est. Seb, tu veux parler? Les fractales sont une figure mathématique qui prouve que dans certaines conditions, le micromilieu est semblable au macromilieu. C'est-à-dire que quand vous regardez 1 cm de côte bretonne, ça a la même gueule que 1 km de côte bretonne. Et donc, la fractale, c'est une théorie qui dit que les micro-lieux peuvent être semblables aux macro-lieux. Mais ça ne donne pas, si vous voulez, la complexité, c'est une loi qui existe quelle que soit la structure. Une structure fractale, c'est un cas particulier de fractale. On peut dire, par exemple, si vous voulez, si on, pour faire un, y a des analogies, par exemple, dans le sens où la société capitaliste est capable, et pour moi c'est un des points, parce que Bruno il dit que le système, t'as dit un truc là que j'étais pas d'accord, je me souvenais plus ce que t'as dit d'ailleurs, non excuse-moi, la microéconomie dans notre système dominant, c'est la même que la macroéconomie, c'est-à-dire que quand tu achètes et que tu vends un truc quand tu achètes une boîte de sardines, la relation au micro-marché, c'est la je pense que c'est la relation au micro-marché est semblable à la relation au macro-marché. Mais sauf que, si tu veux, c'est un cas particulier de complexité. La complexité générale, c'est grosso modo, c'est ce schéma-là. Donc, si tu veux, moi, je peux pas replacer la fractale dans ce schéma. Pour l'instant, je vois pas. Je vois pas de rapport direct. Mais ceci dit, le fait que des fractales existent signifie qu'il y a des lois qui permettent d'écrire une structure. Et donc, si tu veux, c'est, pour moi, tu poses une question trop compliquée qui n'est pas directement liée. Quand on est, Nuit debout est intéressant dans la mesure où la structure de Nuit debout peut être reproduite ailleurs, c'est-à-dire pas reproduite, mais donner des expliquer que on a gagné une bataille parce qu'on a une certaine structure, et que cette structure, cette leçon de la place de la République peut se recopier partout, pas recopier parce qu'il faut la modifier, mais si tu veux, pourquoi on est dangereux? Parce que on a des lois. On ne respecte pas la loi générale. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de question de fric. Alors que dans tout Paris, si tu veux organiser une réunion, il va falloir que tu payes. Tu paieras. Même si tu es dans un café, tu paieras 3 euros pour boire un café. Donc c'est ça l'originalité de Nuit Debout. C'est une bombe, ce truc-là. Puisque si on demande la liberté de réunion dans Paris, si on la demande gratos, qu'est-ce qu'on va nous répondre? Allez vous faire cuire un œuf. Tu vois, en ce moment, parce que, bon, alors là, on retrouve un système fractal, tu vois, parce que là, on est en micro-situation. Si tu dis, moi, j'étends ça, attends, j'ai pas fini, je t'écoute pas, c'est, bah, alors évidemment, tu t'en fous, moi, que je parle 3 jours ou 5 minutes, t'en as rien à foutre. Alors, donc, tu vois le problème, la relation fractale, on peut la trouver là, parce que Nuit debout, c'est un micro-système. Si on l'étend, c'est un macro-système. Donc c'est très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, on évacue la question du pognon. Si on évacue la question du pognon dans la relation sociale, il faut inventer notre relation. Donc voilà, ben, j'ai retrouvé le lien, tu vois, avec le fractal et le système général. Attends, j'oublie, je voulais dire un autre truc. Bon, mais vas-y, Kos. Je viens d'entendre, par rapport à ce que tu parles de Nuit debout, tu dis que tout simplement Nuit debout est un mouvement qui continue encore. Non, mais pour moi c'est encore beaucoup plus haut que ça. Sache qu'à cette heure-ci, Nuit debout entre guillemets n'existe plus. Bon, n'existe plus toute la semaine à longueur de temps, parce que tu dis fractage. Mais d'abord, avant de discuter, avant de tout ça, avant d'apprendre des choses, oui, peut-être sur Edupop on peut apprendre beaucoup de choses. Mais est-ce que Edupop, depuis qu'ils existent, ont attendu, après des autorisations, de pouvoir s'installer? Est-ce qu'ils ont déjà eu des problèmes? Moi, depuis le temps que je les connais, jamais. Si, plus quelques-unes au début, mais bon, après, voilà. Et moi, ce que je dis, nous, bon, oui, certes, nous, les sans logis, quand on a fait le week-end du refus de la misère, oui, aussi, t'étais là, on s'est quand même fait, entre guillemets, nasser pour démonter des toiles de tente. Alors, à cette heure-ci, il faut savoir que si on devient tous réunis, c'est-à-dire un moyen de solidarité concrète sur la place, et sur toutes les places qu'on peut avoir dans toute la France entière, bah derrière, bah ça pourra faire quoi? Ça pourra se dire que, allez, putain, ils ont pas déclaré, on est deux voitures, le problème, putain, de fait chier, le temps d'appeler les autres et tout ça, il y en aura encore plus. Et c'est que comme ça, c'est leur faire peur pour qu'ils se disent que voilà, le peuple se réveille. Allez, regarde, l'année dernière, à l'époque de Podemos, d'accord, je suis en Espagne pour les indignés. Les indignés, ils ont attendu l'accord pour pouvoir s'installer. Ils ont attendu l'accord pour pouvoir dire on veut plus voter, on veut plus personne. Non. Et ils ont réussi, et ça peut encore maintenant, ça continue encore à cette heure-ci, et ça fait quand même un an et demi de plus par rapport à chez eux. C'est-à-dire qu'à la fin du compte, nous, chez nous, on est des indignés à 55% sur la population 68 millions. 68 millions de Français, c'est 55% de précaires. C'est plus de la moitié de la population française. Les 45%, c'est les petits patrons, c'est beaucoup tous ceux qui ont dans la poche le billet de 500 ou je sais pas quel billet. Mais les 55% de population qu'il y a en France en tant que précaire, il y a 30% de la population qui vivent sous le RSA ou les allocations. C'est-à-dire que derrière, si on se retrouve à pouvoir tous se mêler, c'est-à-dire 55%, ça fait à peu près aller 72 millions de Français dans toutes les rues de Paris. Est-ce que on pourrait dire 12 millions de Français contre, peut-être le double de nous en police, ce qui n'existera pas. Derrière, là, oui. Là, on pourra dire, oui, on combat. Mais à Nuit Debout, moi, j'ai pas vu combattre. J'ai vu qu'on était en manif, allez, une cinquantaine, soixantaine maximum. Derrière les syndicats, on suivait toujours les syndicats et les syndicats et les syndicats. Mais on n'a pas vu énormément aussi de personnes en manif sauvage. Dans les manifs sauvages organisées par les antifas de Nuit Debout, il n'y a pas eu beaucoup de personnes de Nuit Debout. Au contraire. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le monde attend comme des brebis. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah si, excuse-moi. Maintenant, moi, ce que je dis, je ne suis plus Nuit Debout, et je le répète. Et tout simplement, derrière, je suis encore en train de travailler sur certains trucs. Et ces trucs-là, ils vont être concrets, ils vont être construits. Moi, je reconnais que si la place n'avait pas été occupée par les SDF au début, ça aurait été plus dur, plus difficile pour nous. Hein. Ça, c'est évident. Mais pour ce qui est des manifs sauvages, moi, tu m'emmèneras pas dans une manif sauvage. Ça m'intéresse pas. Et donc le et que d'autre part, pour ce qui est du sauvage. J'ai déjà donné, des fois aussi, j'ai été pris comme un sauvage, et j'ai été aussi sauvage. Mais dans la sauvagerie fabrique plus de cadavres que d'idées. Alors, probablement. Donc, Seb, tu veux nous expliquer que tu t'es tiré et que tu as eu raison de te tirer parce qu'il ne se passe rien. Moi, c'est ton point de vue, c'est pas le mien. Alors, ce qu'on essaye, c'est de dire si les lois, si le système est moribond, on le remplace par quoi? Eh bien, moi, je dis le Nuit Debout est un embryon de système pour un nouveau système. Donc, évidemment, si tu te casses, ça fait un soldat de moins, et des soldats pacifiques, hein, parce que nous sommes sans armes. Je parle de bazooka, ou de. On a des armes dans la tête, pas ailleurs. Seb, tu veux rien dire, là? Non, t'as déjà parlé. Alors, qui veut parler, là? Ouais, sur la pensée complexe, moi, la seule fois où j'avais entendu parler de ça, et que je m'étais un peu renseigné, c'était effectivement avec Edgar Morin. Donc j'ai essayé de lire un petit peu et bon, c'est vrai que c'est complexe. Hein. Mais pour faire simple, c'est qu'il y a des liens entre tout et que ça me fait penser un peu à ce que tu as dit parce que on part d'une petite chose et cette chose a des liens avec d'autres parties qui font un tout. Et ce dont je me rappelle aussi, c'était cette transdisciplinarité. On peut pas réfléchir à des systèmes complexes qu'avec une matière ou voilà. Donc il y a cette transdisciplinarité qui est obligée pour comprendre ces sujets-là. Et sur ce que tu disais par rapport au fractal, hein, si c'est bien le mot que tu as employé, moi ça me fait plus penser, bon, encore une fois, on va parler de ça, mais qu'il n'y a que ça, à EduPop. Parce que EduPop, c'est une partie de Nuit Debout. Mais si on regarde EduPop, ça représente finalement tout ce qu'il devrait avoir à côté de EduPop. Donc ça représente Nuit Debout. Donc c'est là où je vois ça. Et c'est intéressant de parler de Mélenchon qui s'intéresse à ces sujets-là. Donc je ne le savais pas. Et on va se renseigner là-dessus. Et voilà. Pour ceux qui sont nuit debout, pas nuit debout, c'est pas le problème. Perso, juste pour moi, je suis nuit debout. Je vais dire que je suis nuit debout, il n'y a pas de problème. Et si demain EduPop n'est plus là aussi, il n'y a plus personne, je serai toujours nuit debout. Je serai toujours nuit debout parce que hier soir, je suis passé sur la place. J'ai parlé à deux, trois personnes qui dorment sur la place. Avant-hier soir, je suis passé. Quand j'ai le temps, je passe, même s'il n'y a rien du tout. Et c'est parce que je suis venu sur la place de la République au début de Nuit Debout et que j'ai commencé à voir quelques têtes et que tout ça, que je me sens, je sens faire partie de Nuit Debout, même s'il n'y a personne. Moi, je vais sentir que je représente Nuit Debout et le fait d'être là, de pouvoir voir des têtes, de voir les gens qui viennent et qui reviennent, ça permet de faire des liens, ça permet surtout aussi d'avoir un lien avec le concret, avec le réel, avec le terrain, parce que dans toutes nos, tout ce qu'on peut faire dans notre vie, hein, on est prof, on est médecin, on est tout ce que vous voulez ici, on est dans la rue, on est tout ce que vous voulez. Mais souvent, on se déconnecte de la réalité. Souvent, on va écrire des bouquins, on parle de pensée complexe, on parle d'économie, on parle de droit, on parle de ce que vous voulez, et on se déconnecte, hein, à croire qu'un croissant, ça vaut 15 centimes. Donc, il faut avoir les pieds sur terre. Et avoir les pieds sur terre, c'est être sur le terrain. Ici, c'est République, il y en a d'autres, hein, mais c'est être sur le terrain, c'est être au contact des gens, de la population, de toute la population, des gens qui pensent comme nous ou pas. Et surtout des gens qui pensent pas comme nous, d'ailleurs. Oui, ça, alors ça, je trouve ça splendide. C'est-à-dire que même s'il n'y a personne, Nuit Debout est là. Ça c'est génial. Oui, c'est tellement génial que je sais plus ce que je voulais dire. Alors, j'ai un blanc. Qui c'est qui veut causer dans le micro? Ah si, ça y est, ça me revient. C'est-à-dire qu'on a discuté il y a 3-4 jours pour savoir si on faisait les assemblées de coordination dehors ou dedans. Et donc, on s'est plus ou moins mis d'accord pour dire on alternera dedans et dehors parce que dehors, il fait trop froid. Il pleut, il fait froid. Donc, moi, je suggère, parce que, Sylvain, si tu veux parler, tu prends le micro. Ce que vient de dire monsieur. Non. Non, mais moi, j'étais prof, c'est la déformation non professionnelle. Alors, parce que je suis plus. Électronique, informatique. Mais moi j'étais plasticien. Je vous raconte un épisode du temps où j'étais prof. Donc, parce que vous venez de dire un truc fabuleux là. L'esprit, c'est-à-dire que Nuit Debout, c'est l'esprit de la place maintenant, même s'il n'y a personne. Et donc, je vous raconte une histoire. J'avais des terminales F2 électroniques qui, l'année d'après, passaient en BTS électronique. Donc, j'avais la tête de classe qui passait en première année de BTS. Au mois de septembre, je vois, ils étaient absents. Donc, je demande à la classe, où sont-ils passés, les têtes de classe? On m'a dit, monsieur, ils voulaient passer en section BTS. Ils ont été refusés. Donc moi je vais voir le chef des travaux, je lui ai dit où sont-ils? Ah, je ne sais pas. Et puis il me dit, tiens, regarde. Et donc il me tend un papier où il y avait 4 pages, et il y avait ma photo en première page. Et ils me disent, là, ils vendaient ton cours dans le bahut. Alors, et j'ai dit, c'était quand? C'était au mois de juin, juste avant les vacances. Et j'ai dit, ils vendaient cher? À l'époque, c'était 3 francs. Ben, j'ai dit, c'est fabuleux, là, ils vendent mon cours, où est le problème? Donc, c'est les trois auteurs de cette plaisanterie ont été virés. Donc, je frappe à la porte de la directrice, porte capitonnée à deux volumes, qui me dit, monsieur Labro, je n'ai pas le temps de vous recevoir. J'ai mis le pied dans la porte, elle ne pouvait plus la refermer. J'ai sauté dans son bureau, je me suis assis et je lui ai dit, vous réintégrez ces trois élèves ou bien vous avez un tract, vous avez 10 000 tracts dans la rue, c'était dans le 19e, lycée Jacquard, vers Bersonne là. Alors, ils en ont réintégré un dans le bahut, un dans le bahut d'à côté, et le troisième, je lui ai dit, vous voulez parvenir au bahut, parce que c'est peut-être possible. Il me dit, monsieur, je travaille chez Thompson, je monte des cellules infrarouges sur les automitrailleuses, à part vous, tous les profs sont des cons. J'ai dit, moi, j'ai jamais pensé ça, hein. Mais je suis mieux chez Thompson à monter des cellules infrarouges sur les automitrailleuses. Bon, j'ai dit, ok. Donc là, comment que ça se passe pour essayer de l'enseignement? Je vous raconte maintenant un épisode, parce que moi, j'étais plasticien, déjà tout petit, donc j'étais prof. Mais j'amenais des... Caleb, tu veux parler? Et pourquoi tu parles alors? Non mais chaque fois, tu vois, c'est pire qu'une maternelle ici. Parce que je vous raconte une histoire au ministère de la Culture, parce que je suis plasticien. Donc j'avais sur ma porte, il y avait 5 papiers d'huissier agrafés. En disant, si vous payez pas, bon, ça va mal finir. Je décroche les papiers, je vais au ministère de la Culture. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité. Je monte au troisième étage. Et le troisième étage, il y a une moquette de 10 cm d'épaisseur. Non, j'arrête. Si vous n'écoutez pas, j'arrête. Oui, au troisième étage, il y a la moquette belge, 10 cm d'épaisseur. Je passe le long d'un couloir, il y avait un bureau vide. Un grand bureau avec fauteuil en cuir, beau joli bureau. Je m'assois à la place du propriétaire du bureau et j'attends. Arrive un type qui me dit, mais que faites-vous dans mon bureau? Je lui réponds, asseyez-vous, on va en parler. Donc, il ne pouvait pas me virer, j'étais dans son fauteuil. Il me dit, que voulez-vous? Je lui dis, je voudrais de l'argent. Regardez, j'ai un huissier sur le dos. Il m'a envoyé, il me dit, je ne peux pas résoudre ça, vous voulez combien? À l'époque, j'ai demandé 3 000 balles. C'était mon arriéré d'impôt. Il me dit, allez voir un tel. Le tel, au bout du couloir, c'était Jean de Bongy, avec qui je suis devenu ami. C'est-à-dire que... Lui, il m'a refilé 3 000 euros. En sortant du ministère, j'avais un chèque. Et après, le Devangy, qui était peut-être l'envoyé spécial de Mitterrand au ministère, est devenu un ami. C'est-à-dire que je n'avais même plus de dossier à faire. J'avais de l'argent sans même le demander. Ce qui est scandaleux, parce que normalement, les plasticiens font des dossiers d'un mètre d'épaisseur pour avoir 100 balles. Donc voilà comment ça marche. Alors, si vous voulez, quelle heure est-il, Adèle? Est-ce que je... 10 minutes, voilà. Donc ici, vous avez une ficelle. Ça s'appelle le lien social. J'ai vendu ça à une galerie qui me l'a acheté 1 euro. La cote actuelle... donnez-moi un chiffre pour la cote actuelle de ce machin. Pardon ? Ça n'a pas de prix. Si, ça a un prix. Non, c'est celui-là, mais le même, hein, je veux dire, le lien social, le lien social n'a pas de prix, bien sûr, mais... Non. Le prix de ça, parce que ça se reproduit, tu vois, donc... celui-là, il est gratuit. Je vous fais ça gratos aujourd'hui. Parce que c'est Duke Pop. Non, je veux dire, quelle est la cote de ce machin? Oui, il est signé, oui. Il est signé, oui. Non, la cote est à 1 million d'euros. Oui. Non, donc c'est pas moi qui fais la cote, c'est le dénommé Benfautier. Si vous voulez lui poser des questions, moi je vous file son téléphone. Il expose au musée Mayol en ce moment. Il a son expo personnelle jusqu'au mois de janvier. Donc c'est pas moi qui ai dit ça vaut 1 million d'euros. C'est que si Monsieur Bernard Arnault, qui fait la loi sur le marché grâce à Monsieur Jacques Lang, réforme de 83, si Monsieur Bernard Arnault veut acheter le lien social à Ben Vautier, il faut qu'il alloge 1 million d'euros. Mais Ben va dire, mais 1 million, c'est pour vous, c'est pas assez, c'est 2 millions. Donc c'est plus achetable. Donc ça veut dire que Ben, moi je gagne une bataille contre Bernard Arnault sans rien faire, parce que Ben a décrété la cote de la ficelle à 1 million d'euros. Donc c'est très marrant, mais si vous voulez, ça pour ça, je m'en sers tous les jours et même la nuit des fois. Donc moi, la galerie que j'ai montée au démarrage de Nuit Debout, j'ai tendu une ficelle entre deux platanes là-bas de l'autre côté et j'ai dit galerie d'art debout. Quand je suis allé la déclarer à l'accueil, le dénommé, non, je ne cite pas son prénom. Non, non, mais je vais l'entreprendre parce que c'est lui qui avait raison la dernière réunion. Mais sauf que il était à l'accueil le jour où j'ai dit, je voudrais déclarer la galerie d'art debout. Je me suis entendu répondre, mais nous sommes tous artistes. C'est pas la peine de déclarer une galerie. J'ai dit, mais moi je te demande pas ton avis. Moi je décide de déclarer la galerie. Ah, il me dit non, non, non. C'était un cahier rouge. Je ne sais pas où il est, le cahier rouge. Il existe toujours. Donc j'ai attendu que monsieur s'en aille. Comme il y avait un roulement à l'accueil, c'était une demoiselle. J'ai dit, mademoiselle, est-ce que je peux déclarer la galerie d'art debout? Mais bien sûr, elle m'a tendu le stylo et le papier. Donc sur le cahier rouge, il y a la date et tout ça. Qu'est-ce que tu voulais dire d'elle? Oui, ça amuse beaucoup la galerie, mais c'est très sérieux parce que le marché de l'art est gouverné par Bernard Arnault et compagnie. Si vous voulez être artiste aujourd'hui, c'est-à-dire une galerie, c'est 20 000 euros par mois à peu près pour faire tourner une galerie dans Paris. Et donc, si vous n'avez pas des achats du ministère de la Culture, vous ne pouvez pas exister. Mais si vous êtes un fouteur de merde, la galerie va pas vous prendre, donc vous ne pouvez pas vendre. Mais la galerie a besoin du ministère pour vendre. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Oui, j'admets que là j'ai un petit peu du mal à savoir vers où tu vas. Par contre, je trouve ça assez intéressant que Mélenchon soit pendu au bout du lien social. Je trouve ça pas mal. Mais donc j'aimerais bien savoir quel lien tu fais entre ce que tu es en train de dire par rapport au marché de l'art. Et la pensée complexe. Là, j'ai vraiment du mal à voir le lien. Et aussi, là, c'est une petite demande. Est-ce que tu pourrais ne pas, voilà, cibler des gens ou cibler des personnes quand tu parles, comme pour Seb tout à l'heure, par exemple, ou, voilà, pour éviter, pour tout simplement qu'on puisse discuter de ce qui se passe sans que ça reste un conflit entre deux personnes. Mais ça, c'était plus en aparté, quoi. Non mais Seb, on a l'habitude de s'invectiver en public, donc où est-ce qu'il est là? Non, si tu veux, non mais c'est vrai, t'as raison, il faut pas. Seb. Non d'accord, alors c'est vrai que si tu m'avais pas fait signe, j'aurais peut-être cité quelqu'un. Donc je recommencerai pas. Mais moi j'aime beaucoup te citer, Adèle. Je veux dire comme moi, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, toi c'est toi qui. Enfin. Si t'étais pas là, est-ce que la structure du pop aurait. Je sais pas, vous êtes combien? Vous êtes combien? Trois ou quatre? Mais il y a une structure. Non, non, non, non, il y a une structure. Vous êtes un système. Vous avez des faiblesses, vous avez des qualités. Si vous durez, c'est parce qu'à l'intérieur de ces boîtes-là, vous avez des liens solides. Et c'est, ça se construit pas, ça tombe pas du ciel tout ça. Hein. Et donc, alors, quel est le lien entre, tu dis, entre la ficelle et le reste? Alors, ben, c'est que le marché de l'art est un système qui s'auto-protège et qui est impénétrable, a priori. C'est-à-dire que si tu veux, tu ne pourras jamais parler à M. Bernard Arnault. Si tu es artiste et que tu veux vendre quelque chose, il faudra que un jour tu apprennes que Monsieur Bernard Arnault s'intéresse à ton travail, mais il ne te parlera jamais. Ce seront ses agents qui vont parler, qui vont prospecter et qui vont dire il y a peut-être machin machide et il faudrait peut-être voir. Alors, et donc si tu as la grâce que Bernard Arnault dise oui j'achète cette demoiselle, il va faire ta cote. C'est-à-dire il va dire moi Bernard Arnault, ce fil là, ce câble qui est proposé comme œuvre d'art, je l'achète 500 000 euros. Et c'est Monsieur Bernard Arnault qui fait que tu deviennes un artiste. Donc ça, c'est la dictature financière qui s'est installée après que les communistes ont été virés en 83 du ministère de la Culture, parce qu'il y avait une influence communiste très forte jusqu'en 83. Après ça, tout le monde a été viré. Et donc, tous les cocos ont été virés. Et donc, qui c'est qui a pris le pouvoir? C'est Jacques Lang et Bernard Arnault. Mais au début, Bernard Arnault, il n'avait pas autant de pouvoir. Maintenant, il a tous les pouvoirs. Et les ministres n'existent plus. Alors, le problème qui se pose, c'est que si tu es artiste, tu veux faire connaître ton boulot. Il y a plusieurs solutions. Mais il y a solution nuit debout. Ici, on accroche ce qu'on veut. Sauf que quand j'ai proposé de Kéros, on m'a dit niet. Moi j'ai trouvé autre chose pour faire parler de Kéros. Je vous dis pas quoi. Mais peut-être je vous le dirai, je sais pas. Mais il y a la solution nuit debout, qui est une solution qui demande un mouvement social, un mouvement très puissant. Et puis il y a subvertir le système dominant. C'est-à-dire que tu obliges une galerie à regarder ton travail, quelle que soit la vie qu'elle en a. C'est-à-dire que tu l'obliges à dire « Oui, ce truc-là, il m'emmerde tellement qu'il faut que je le regarde. » Moi, qu'est-ce qui s'est passé pour la ficelle? Bon, moi, j'étais dans un film avec Ben dans les années 80. Donc moi, j'avais une entrée pour une manifestation où Ben me dit, ouais, tu peux venir à la manifestation. Tu peux amener. Alors j'ai dit, écoute, moi c'est un film, il sera projeté le film, ok, mais je voudrais une touche personnelle. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je voudrais mettre un bout de ficelle dans la galerie où tu exposes et au café d'à côté. Ben il me dit, ok. Je sors des bois. En limousin, mon sac à dos, je marche à pied jusqu'à la gare, j'arrive à Paris, sac à dos, le patron de la galerie, monsieur Marcel Strouk, pour ne pas le nommer, mais là je l'ai déjà nommé plusieurs fois, il est au courant, il me dit, monsieur Labrove, venez dans mon bureau. Oh, j'ai dit, c'est quoi la panique totale, toi? Le bureau est au premier étage. Je m'assois, il sort un cru, tu vois, un Bordeaux, me sert un verre. Là, il dit, ça s'aggrave. Et il me dit, monsieur Lambron, vous ne pouvez pas accrocher votre ficelle. Ben n'est plus d'accord. Sylvain, tu ne m'écoutes pas. Alors après, tu vas me demander comment l'histoire a fini, toi. L'histoire est continue, elle n'est pas finie parce que je m'empaille avec Ben en ce moment. Et donc, le Ben me dit, Strouk me dit, ce n'est pas possible, Ben. Adèle, tu m'écoutes pas. Alors, oui, eh ben je réponds, mais je réponds pas une seconde. Bon, le Strouk me dit, je ne peux pas accrocher votre ficelle comme prévu parce que Ben n'est plus d'accord. Le Ben, il m'avait dit oui, il dit non. Donc moi, je dis, je suis vraiment navré, monsieur Strouk, mais je vais peut-être revenir vous voir. Moi, j'avais mon caméscope sous ma veste. J'ai pas enregistré la discussion. J'ai remonté la rue de Seine et je suis arrivé à une table où Ben était en discussion. Et Ben, là, il a craqué, il a dit oui. Juste un petit point, il reste 5 minutes parce qu'il y a l'intervenant d'après qui est là. D'accord. Donc, je crois qu'il y a encore des petits gens qui veulent parler. Non, non, mais si vous... Non mais la pensée complexe est un complexe. Moi j'ai pas d'horaire, tu vois. Si tu veux, mon cher, on continue ailleurs parce qu'il y a un autre intervenant après. Bon alors moi il y a une chose, on n'est pas obligé d'aller voir dans ces grosses galeries. Vous oubliez peut-être que vous en avez le dimanche qui est exposé en plein air. On paye je sais plus combien 100 euros à la mairie de Paris. Et il y en a qui exposent. T'es pas obligé d'aller dans une galerie. Maintenant, il y a d'autres choses aussi. Où vous payez quand, le marché de l'art, peut-être que vous connaissez. Et ben, vous payez votre stand, je crois que c'est 1000 euros. Et là, on prend n'importe qui. Vous faites avec vos mains ou trucs comme ça. Vous avez le droit d'exposer. Donc ces grosses galeries-là, moi, je m'en tape le coquillard, que ce soit Arnaud, que ce soit tout. Je n'ai rien à foutre de ces gens-là. Ok. Et puis les gens. Et c'est comme ça. Qu'on se ferait connaître et non pas des grosses galeries où tu dépenses des sommes. Et tout le monde n'a pas des sommes à dépenser comme ça, pour engraisser des trucs comme ça. Voilà. Oui, en fait, c'était un peu pareil. Enfin, bon, voilà, dit différemment, mais qu'effectivement, en tout cas, la façon de penser et de voir les choses pour en tirer profit comme ça, c'est intéressant. Sauf qu'effectivement, quand tu dis voilà, de pouvoir. Que Bernard Arnault regarde ton travail, etc. Bon, peut-être qu'il le regardera, mais après, dans la société d'aujourd'hui, clairement, ces gens-là, ils ont des intérêts qui les pousseront à ne jamais montrer certaines choses. Donc, il y a des artistes qui, dans tous les cas, ne pourront jamais passer par eux. Et enfin, pour moi, en fait, ça doit absolument rester. La plus grande force, c'est l'indépendance. Donc, à partir du moment où on doit demander à un monsieur qui veut bien nous exposer si ce qu'on lui fait, ça lui plaît, non, mais c'est mort. Déjà, à partir de. Quand on commence à là, c'est fini. Je veux dire, si on veut vérifier que ça plaise aux gens, on expose librement. Enfin, c'est la meilleure manière, comme il dit le monsieur, en fait, c'est exposer librement et en toute indépendance. Après, je vois ce que tu veux dire, parce qu'évidemment, ça donne le moyen d'être exposé, d'être vu, etc. Je veux bien entendre ça. Mais malheureusement, les seules choses qui vont être permises, d'être vues, sont forcément pas des choses entièrement subversives ou quoi, enfin clairement, aujourd'hui malheureusement en tout cas. Comme ça on prend toutes les questions et tout. Juste, petite précision, en fait c'est peut-être parce que quand tu parles d'art, tu parles de l'art contemporain, non? Parce que sinon l'art en soi, tu vas dans des squats dans Paris, t'inquiète pas, les gens ils sont artistes et ils sont tout seuls et ils s'en foutent de Bernard Arnault ou je sais pas quoi, et eux ils font leurs expositions tout seuls. Ils font leur soirée tout seuls et ils font des trucs super. Donc je pense que pour l'art contemporain, t'as raison, mais l'art pour moi c'est tellement libre en fait. N'importe qui peut faire de l'art en fait. Pas besoin de vendre des trucs comme ça à 1 million d'euros pour dire que je suis un artiste, tu vois. Mais tout dépend du concept. Non, ce qui se passe maintenant, c'est que l'art est devenu une force de frappe politique. Donc, si vous exposez dans votre cuisine ou si vous exposez partout, ça intéresse que vos amis. Le problème d'aujourd'hui dans la société française, c'est que l'art est utilisé au plus haut niveau pour faire de la politique. C'est-à-dire que M. Arnault, c'est un auxiliaire très efficace du gouvernement pour gérer la production artistique. C'est-à-dire que la production qui est vue, c'est celle que Bernard Arnault décide. Quand vous exposez dans un squat, il n'y a que les gens qui visitent le squat qui sont au courant. Quand vous exposez à Beaubourg, toute la planète est au courant. Donc moi, mon boulot, c'est démonter le système. Moi, je vais pas exposer dans un endroit pour me faire plaisir. Je veux démonter le système. Donc, le Strouk, il a été obligé de dire oui. Et à quoi je m'attaque? Parce que là, évidemment, on s'y est pris trop tard. Mais avec ça, Moi, j'emmerde Gagossian à New York. Il ne peut pas se défendre. Moi, je supplie pas Strouk de m'exposer. Je l'oblige à m'exposer. C'est pas du tout pareil. Là, vous avez tout faux, là. Bon, bah, merci. on ne sait pas. Hein, en tout cas, on n'est pas là pour tous être d'accord à la fin. Hein, donc, on n'est pas d'accord. Donc, du coup, on va passer à la dernière intervention de la journée.